Vandakani, le président Emmanuel Macron, en prenant cette décision, est-il dans l'erreur? Vous demandez s'il est dans l'erreur. Vous me citez un seul acte qu'il a posé qui soit à la hauteur d'un homme sensé. Depuis que vous l'appelez président. Oui, dites-moi l'acte que ce monsieur a posé qui fait de lui qui puisse nous amener à penser qu'on a affaire à quelqu'un de sensé. Depuis De Gaulle, vous avez. La France a eu un président normal? C'est vrai que c'est moi qui pose des questions, Non, mais non. à la décharge du président Macron, j'aurais pu dire qu'il a quand même accepté la rétrocession de nos œuvres d'art qui étaient confisquées dans les musées en France, entre autres. Bon, c'était la provocation. Ça, c'est un millième, hein, on n'a beaucoup pas C'était la commencé, pas provocation. grand-chose. Vous voulez nous provoquer. Ça fait un grand tollé. Non, vous voulez nous provoquer. C'était la provocation. Il Bachir, n'a ou... rien rétrocédé. Il n'a rien rétrocédé. Il a insulté la mémoire des Africains. Il a insulté l'intelligence de ceux qui ont fabriqué ces objets, mon cher Bachir. Et il a démontré une fois de plus qu'il est quelqu'un avec qui on ne devrait pas parler. C'est ce qu'il a démontré après son temps à démontrer. Qu'est-ce qu'il comprend ce qu'on appelle là d'abord? Il comprend quoi là? Est-ce qu'un Jupitérien connaît là les arts qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qu'il comprend à l'art africain? Quelqu'un qui connaît là, il ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas oser dire ce qu'il a dit. Donc c'est de cela qu'il s'agit, mon cher. Bachir, on veut banaliser d'abord quelque chose. On veut banaliser un crime qu'on maquille et on fait comme si non, c'est de la coopération, on lutte contre le djihadisme, des choses comme ça. Non, c'est la continuité de la colonisation. On a affaire à un colon qui veut transformer le fait colonial en plein 21e siècle en quelque chose de banal qui serait de la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme. C'est cela qu'il s'agit. Bachir, un colon, on le chasse. Un colon, on le chasse. Quand on discute avec un colon, c'est sur les modalités de son départ. Ce n'est pas autre chose. Un colon, on le chasse avec tous les moyens, avec les bombes, avec les écrits, avec tout ce qu'on a sous la main. On le chasse, un colon. Mais c'est le rapport que nous avons aujourd'hui à la France et tout ce qui a derrière la France. On veut maquiller. Qu'est-ce que Macron fait au Sahel? La France fait quoi au Sahel? Qui a appelé la France? Elle raconte tous les jours que non, on est là à la demande des présidents. Quel président a demandé de venir? Bon, quand les présidents disent de partir, ils partent. Est-ce qu'ils partent? C'est du n'importe quoi. On est devant un fait colonial qu'on veut banaliser, mon cher Bachir. Et en plus de ça, on a affaire au président le plus incompétent que la France ait jamais connu. Même le fou, l'idiot, le voyou de Sarkozy était mieux. Président Mandakani. Non, non, non, ne m'arrêtez pas, ne m'arrêtez Oui, pas. oui. Ne m'arrêtez pas. Président Non, Mandakani. non, non, à un moment donné, Je on ne vous s'amuse arrête plus. pas. Oui, j'ai dit, Je ne vous arrête il faut, pas. monsieur Bachir, quand on attrape un volant en train de voler, on l'appelle voleur. Oui. Ce n'est pas une injure. Sarkozy n'est pas un voyou. Il est quoi? C'est vous qui le dites. Je ne le dis pas. Les actes qu'il a posés depuis qu'il était présent en France, c'est des actes de voyous, de criminels. C'est la première fois Alors, qu'un ancien aujourd'hui, président est condamné. Il y en a même, il y en a même qui estimaient qu'il se droguait tous les jours. Donc, il y a quoi, qu'est-ce qu'on raconte là? Ce sont des faits. Pourquoi vous voulez m'empêcher d'appeler un voyou voyou? Celui qui est là, il dit qu'il est jupitérien. C'est moi qui l'ai dit. Et regardez son comportement tous les jours. Vous avez vu comment il s'est comporté devant le président burkinabé? Est-ce qu'il a changé? Vous voyez comment il se comporte devant les Africains, devant un continent. Regardez son comportement envers un État malien. Regardez, vous voulez qu'il appelle quoi, président? Ce sont des voyous. Est-ce que son acte aujourd'hui, celui de suspendre la coopération avec le Mali, pourrait provoquer un coup, des conséquences au niveau de la France? Mais c'est clair et net. D'abord, il faut justifier aux Français pourquoi, entre guillemets, leurs soldats meurent dans le Sahel. Pourquoi on engage des millions d'euros? Et ça, il en est incapable. Allez suivre les débats au Parlement français. Oui. Allez suivre les débats. Ce n'est pas les Africains qui parlent. Les députés français posent des questions que nous soulevons ici, M. Jean-Luc Bachir, Mélenchon. pour demander, oui, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas le seul. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que ces opérations sont décrétées secrètement par le président? Le Parlement n'est pas au courant. Est-ce que vous savez que le Parlement français n'a jamais entériné une opération qui est passée de Serval à Barkhane? Est-ce que vous le savez? Donc, on parle de quoi? On parle de quoi? Donc, il y a beaucoup à redire là-dedans. Donc, c'est un fait colonial. On est en face d'une entreprise de dépeçage d'un pays en plein 21e siècle. C'est ça qui est scandaleux. Avec la protection de l'ONU, avec la couverture de toutes les institutions internationales, Bachir, en mettant comme paravent, comme masque africain, la CEDEAO et l'Union africaine. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Même si Davalis a eu raison de soulever le fait que, bon, il y a le rapport de force au sein de la CEDEAO a changé et a pesé du côté du Mali. Oui, mais la CEDEAO ne doit pas s'arrêter là. La CEDEAO doit dénoncer la présence française au Sahel. Si la CEDEAO veut avoir un minimum de crédit, c'est ça qu'elle doit dire. Le débat doit être pour partir quand. Mais la CEDEAO ne peut pas. Ils ne peuvent pas, Bachir. Ce sont des masques africains. L'Union africaine ne peut pas. Nous, on est là, on est obligé d'applaudir le fait que, bon, oui, ils n'ont pas sanctionné le Mali. D'accord, oui, mais d'accord. Mais le débat n'est pas. Le débat, c'est l'Union africaine et la CEDEAO qui devait être en premier pour demander à la France, va chez toi. Va-t'en. Mais pour que ça se fasse, président Bandakani, il faudrait bien que les Africains eux-mêmes prennent les responsabilités. Non, ils ne peuvent pas. Le Mali est en guerre pratiquement seul. N'eût été le Tchad et les autres pays de la, du G5 Sahel qui se sont réunis. Le Mali est seul dans sa guerre. Non, c'est ce que la CEDEAO, le Mali n'est pas. La CEDEAO ne s'est pas engagée, par exemple, militairement au niveau du Mali. Et, la CEDEAO ne pourrait pas demander à la France de partir. Mais c'est ça donc que. Donc, qu'ils se taisent donc. Qu'ils se taisent. Ils font les réunions pour parler du Mali, pourquoi alors? Mais écoutez, on fait une réunion Ouattara, s'ils parlent du Mali. Mais on est dans quel monde? Ouattara? Ils parlent du Mali? Monsieur Ouattara, on s'assoit, parler devant les militaires? Ça montre dans quel monde on se trouve. Et quelle est la nature de cette organisation, mon cher Bachir? Je répète et je dis, si cette organisation était une organisation qui mérite le moins de crédit, c'est elle qui sera en première ligne pour demander à la France de partir. Et il n'y aurait même pas un coup de feu, Bachir. Imaginez-vous que la CEDEAO et l'Union africaine fassent une réunion et disent que, bon, monsieur la France, partez. On vous donne 2 jours pour partir. La France fera quoi? Mais justement, Bachir, le génie maléfique de la France et autres, et l'Union européenne, c'est d'avoir compris ces choses rapidement et d'avoir anticipé en créant des fausses institutions, en leur faisant porter le titre de décision africaine, mais qui sont justement là pour détruire l'Afrique, n'est-ce pas, pour crédibiliser tous les crimes qu'on fait contre l'Afrique. Mon cher Bachir, historiquement, on a connu que des hommes, il y avait des hommes qui trahissaient. Mais pour la première fois dans l'histoire, vous avez des institutions qui sont nées pour trahir. Des institutions qu'on a créées et constituées pour trahir et détruire un continent pour lesquelles elles sont censées exister. Bachir, c'est le cas de la CEDEAO, c'est le cas de l'Union africaine. Voilà pourquoi M. Macron, quand il va avancer, il prend 2 masques, il met l'Union africaine devant lui et il met la CEDEAO derrière lui. Quand ça l'arrange, il met de ce côté, il met ici. Pourquoi on ne voit pas son visage de Toubab et de Colomb, mon cher Bachir? C'est de cela qu'il s'agit. Donc le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est que la France, c'est un pays colonial, c'est un colon qui est accompagné dans son entreprise criminelle par ses pays amis, l'Allemagne, tous ces pays-là, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale et l'ONU. Il faut que, au fur et à mesure qu'on avance, Bachir, les peuples identifient très bien quels sont nos ennemis. Et ma joie en cette affaire, c'est quoi? C'est qu'en cela, on évolue énormément. Les peuples commencent à voir très bien qui est l'ennemi. Quand vous grattez la France, quand vous avez fini de gratter la France, l'Allemagne apparaît, le Danemark apparaît, les pays européens apparaissent. Mais ce n'est pas tout. Vous grattez encore, l'Union européenne apparaît, vous continuez, la Banque mondiale apparaît, puisque la Banque mondiale a osé suspendre ses décaissements au Mali. Mais Bachir, la Banque mondiale, c'est un parti politique. Depuis quand la Banque mondiale se mêle de la politique, M. Dr. Basile? Depuis quand? Pourquoi elle se mêle là, Bachir? Pourquoi elle se mêle? Donc nous, les Africains et les Maliens, on enregistre que non, on vient encore de voir un autre ennemi et il sera traité comme tel. Mais tout ce que la Banque mondiale fait est conditionné par le respect des principes démocratiques, président Bandakani. Bon, la Banque mondiale, dans un sens, c'est la démocratie. La Banque mondiale, c'est ce qu'on appelle démocratie. La Banque mondiale, c'est ce qu'on appelle démocratie. En son sein, là, elle est régie par quoi? La Banque mondiale, qui décide? Qui décide? Mais alors, on raconte du n'importe quoi. Donc, je pose une question simple. Depuis que la Banque mondiale fait la politique, moi, je pose la question. On pourrait aller se mixer dans une affaire de transition qui ne la concerne pas, Bachir. Depuis quand, il faut le dire, depuis quand la Banque mondiale fait la politique, donc, on prend acte du fait que parmi les ennemis du peuple africain, vous avez la Banque mondiale et le FMI. On avance. Parce qu'avant, on disait que non, ce sont des institutions neutres, qui sont là pour faire de l'économie. Mais est-ce que la Banque mondiale fait de l'économie en suspendant ses décaissements au Mali? C'est la base de quoi? Parce que le Jupiterien a dit qu'il sanctionne le Mali. Non, on va tirer les conséquences. Et le ministre Traoré nous écoute, il faut donc que les Maliens s'organisent pour rompre avec la Banque mondiale. C'est simple, c'est simple. Il dit que vous ne venez plus jamais ici, quand vous avez suspendu là, terminez, vous tournez le dos. On verra qui va perdre. Le Mali gagne quoi à comparer avec la Banque mondiale? Le Mali gagne quoi? C'est la Banque mondiale qui gagne. Mais la Banque mondiale a financé. C'est la Banque mondiale qui gagne. Quand même beaucoup de projets. Non, mais c'est parce que les hommes politiques maliens jusqu'à présent n'ont pas voulu mettre ça sur la table. Permettez que je vous prenne 30 secondes sur la table. Oui. Afrique Média, le monde, c'est nous.